peux t'inviter sans raison. Sois à l'aise comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse, viens. On se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane. On est les rois de la Havane. Havana, oh nana. Ton histoire d'amour bat de l'air. C'est rien. Dans ton café t'as mis du sel. C'est rien. T'es trop petit pour toucher le ciel. C'est rien. Parce qu'on grandira demain. Tant pis si on tombe dans le vide. Tant qu'on a le verre à moitié plein. On est tous nés pour faire la fête. Comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on la fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais faite. On a presque plus rien à boire. Mais on est là. Le bar va fermer, tout est noir. Mais on est là. On continue sur le trottoir. Mais on est là. Hey. On est là. Mmh. On est là. On va encore rentrer trop tard. Mais on est là. Je crois que j'ai un œil au beurre noir. Mais on est là. J'ai encore cassé ma guitare. Je m'appelle Jimi Hendrix ce soir. Oh, on est tous nés pour faire la fête. Comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on l'a fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais faite. Vous l'avez deviné, il s'agit bien sûr d'Amir aujourd'hui que nous allons écouter, que nous allons découvrir peut-être sous certains aspects dans notre émission Coup de cœur. Laurent Amir Khalifa Kedider Haddad, pas facile, est né en fait dans le 12e arrondissement de Paris en juin 84 dans une famille juive séfarade originaire de Tunisie et du Maroc. Alors pour information, les juifs séfarades sont les membres des communautés juives historiques habitant ou issus de la péninsule ibérique. Il est franco-israélien et notre chanteur a un handicap de naissance, la sourdité. En effet, il n'entend que de l'oreille gauche. Plus tard, on lui diagnostiquera également des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Ça, c'est pas une surprise parce que vous l'avez déjà vu, je pense, sur scène, même à la télévision. Et il bouge, le garçon. Alors après avoir vécu à Sarcelles, dans le Val d'Oise, sa famille part vivre en Israël alors qu'il est âgé de 8 ans. Il utilise depuis cet âge son second prénom, Amir, comme prénom usuel. Il se fait connaître en réalité en Israël dès 2006 en atteignant la finale de la version israélienne du télécrochet Nouvelle Star. Amir Haddad commence cette même année des études de dentisterie à l'Université hébraïque de Jérusalem, en parallèle bien sûr avec la suite de sa carrière musicale. En 2011, il sort son premier album qui s'appelle Vayehi, enregistré en 2008 et qu'il a écrit avec le musicien Omri Dagan alors qu'ils sont encore étudiants. L'album inclut la version en hébreu du titre « Je te le dis quand même », vous savez, de Patrick Bruel, ainsi qu'une collaboration avec DJ Ofer Nissim, reprenant le tube de 1991 « Désenchanté » de Mylène Farmer. Je vous propose d'écouter Amir dans cette version de « Désenchanté » et après, ce sera la vraie, l'unique Mylène Farmer à tout jamais le premier extrait de son dernier album. Je n'ai Sorry, sorry. Je ne sais pas si vous, les auditeurs, vous connaissiez cette version désenchantée au début de la carrière de Amir. Moi, personnellement, ce n'était pas le cas, en toute honnêteté. J'ai découvert ça en fouillant un petit peu. Le titre ne figure pas sur les plateformes de téléchargement classiques. On en revient donc à notre coup de cœur. En août 2013, après avoir posté des vidéos sur Internet sur les conseils d'un ami, il est contacté par l'émission The Voice sur TF1 pour participer au recrutement de la troisième saison. Sa candidature est retenue et le télécrochet se déroule de janvier à mai 2014. Amir réussit à franchir l'étape des auditions à l'aveugle avec le titre Candle in the Wind d'Elton John, au cours de laquelle les coachs Florent Pagny, Jennifer, Mika et Garou se retournent. Vous connaissez le principe de cette émission, bien sûr. Il choisit Jennifer comme coach, continue son parcours et atteint la finale. Faisant partie des 4 finalistes, il finit en 3e position derrière le vainqueur Kenji Girac et Maximilien Philippe. Sachez qu'après la fin de l'émission, il a participé à la compilation Forever Gentleman 2, dans laquelle il interprète la chanson Le soleil de ma vie avec Camille Lou. Il prépare à cette époque-là un premier album en français. On va l'écouter dans On dirait, puis c'est le moment ou jamais, de la version longue réalisée par Philippe Christian. On en écoute une chaque semaine. Cette fois-ci, j'ai choisi justement Kenji Girac, Les yeux de la mama. Oh,

mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour écouter tranquillement ce numéro de Coup de cœur. On était avec, bien sûr, l'invité du jour qui n'est autre que Amir, et on parlait de son expérience à The Voice. Dans un autre domaine, cette fois-ci, c'est à l'issue du concours Eurovision de la chanson 2015 que la France est classée 25e sur 27, avec un faible total de points qui était de 4. Donc la direction des divertissements de France 2, avec à sa tête Nathalie André, responsable du choix du représentant français, déclare à la suite de ces résultats, je la cite, « ma connerie est d'y être allé avec une voix plutôt que d'y être allé avec Enrique Iglesias. Je suis prête à prendre ma revanche pour 2016 et je m'y mets dès aujourd'hui ». Pour l'édition suivante, Nathalie André et son équipe choisissent en interne Amir Haddad. Choisir un finaliste de The Voice semble être pertinent pour certains, qui rappellent que ce type de sélection a déjà été bénéfique à plusieurs pays tels que la Belgique, l'Albanie, la Norvège, la Russie, la Suède, l'Autriche et l'Australie. Donc, le 29 février 2016, France 2 annonce qu'Amir représentera la France avec son single « J'ai cherché » au 61e concours Eurovision de la chanson qui se déroule à Stockholm le 14 mai 2016. Il termine 6e du concours et même 3e à l'issue du vote des jurys nationaux, soit le meilleur classement de la France depuis 2002. Recevant 257 points, il bat le record du nombre de points obtenus par la France. Au cœur de moi, titre de son album, qui inclut « J'ai cherché » et qui, pour information, était sorti 2 semaines avant. Il sera certifié triple disque de platine. Yeah. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes lacs, qui dans j'en ai les lèvres de pierre. Tu m'as perdu en nous. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Toutes ces chansons, sachez que si vous voulez les retrouver, les réécouter, réécouter l'émission en entier, on vous donne le mode d'emploi. Fadjet sur internet, www.fadjet.net. On va parler maintenant de l'après-Eurovision d'Amir. Le 6 novembre 2016, lors des MTV Europe Music Awards, se déroulant à Rotterdam, il reçoit le trophée du meilleur artiste français. Et le 12 novembre de cette même année, lors de la 18e édition des Energy Music Awards, il remporte deux récompenses, la révélation francophone de l'année et la chanson francophone de l'année pour son titre, bien sûr, que l'on vient d'écouter, J'ai cherché. Il fait partie de la troupe des Enfoirés de 2017 à 2019, puis en 2021, et commente pour France 2 avec Marianne James et Stéphane Bern la finale de la 62e édition du concours Eurovision en 2017 à Kiev, en Ukraine. Quelques jours après, sort No Vacancy, un duo avec le groupe One Republic. Le 25 août 2017, paraît État d'amour, premier single extrait de son troisième album Addiction,

dans un sourire, elle lui chante. Allez, j'avais dit que je vous donnerais des explications sur cette interprétation de la chanson « Les mandarines ». Eh bien, tout simplement, il s'agit, vous l'avez reconnu pour certains d'entre vous, de Marianne James, qui s'appelait à l'époque Ursula von Glott. Elle était accompagnée d'une dame qui jouait au piano, et c'était un petit peu du comique, bien sûr. Alors, on revient à Amir. Après avoir participé au doublage français du film d'animation américain Lego Ninjago, le film, avec la chanson Iger, il devient l'un des trois jurés de l'émission Destination Eurovision sur France 2 afin de désigner l'artiste et la chanson représentant la France à l'Eurovision en 2018. Toujours en 2018, en décembre, plus de 70 célébrités se mobilisent à l'appel de l'association Urgence Homophobie et Amir est l'une d'elles et apparaît dans le clip de la chanson De l'amour. En février 2019, il annonce la naissance de son fils, Michael, et il se lance ensuite dans une grande tournée de concerts dans les Zéniths de France jusqu'en avril. Le 10 novembre 2019, on reste en 2019, il annonce sur les réseaux sociaux un temps de pause dans sa carrière. Mais en 2020, il est juré dans l'émission Good Singers présentée par Jarry sur TF1 et dans la même année, il joue dans le film Adorable. Le 16 octobre 2020 paraît son troisième album studio intitulé Ressources. Dans l'ensemble, Amir propose une belle collection de morceaux qui se complètent bien et qui complètent bien son style vocal. En fait, c'est son quatrième album si l'on tient compte de celui qu'il a produit en Israël qui incluait notamment des enchantés qu'on a écouté en début d'émission. Alors l'album est composé de 16 titres et comprend notamment des duos avec Indila et Bambino, Cephas, One Republic. Le jour de la Saint-Valentin 2021, Amir et Indila ont surpris leurs fans avec un duo intitulé Carousel. Et c'est la deuxième fois qu'Amir reprend cette chanson qu'il a faite dans une version acoustique quelques jours plus tôt. Indila a toujours voulu collaborer avec lui et il a évidemment répondu à ce désir. On écoute tout de suite les deux jeunes chanteurs. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me traîne? J'ai le Vésuve au fond des veines. Ah, elle est si belle. La douleur qui m'interpelle. Le plus beau des coups que la vie assène. Le plus beau des corps de corps qui joue la scène. Je suis tant étourdi. Je tiens à peine, mais ses désirs me retiennent. je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Pas un game, là tu t'engages. Quand tu m'aimes, faudra me préserver jusqu'au souffle dernier. Je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. Je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. T'es belle, rebelle, je suis immortel. C'est toi qui décèles tout ce que ma peau recèle. J'ai peur de toi comme d'une sublime attraction, une seconde avant l'action. Si tu m'aimes, si je t'ouvre mon cœur, c'est que tu sèmes une graine, une fleur. Tu devras me garder abîmée ou belle dans ce carrousel. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Oui, je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. Allez, je vous fais une confidence. Quand je prépare les émissions, c'est un petit peu comme si vous veniez manger chez moi. Il y a toujours de trop. Moi, j'aime pas manquer. Et donc, je prépare plein de chansons. Et puis, bah, une heure, c'est 60 minutes. C'est pas extensible. Donc, j'avais prévu d'écouter Urgence Homophobie de l'amour. On ne pourra pas le faire. Allez, on continue de parler de ce quatrième opus. D'autres grands tubes y figurent, notamment La Fête, qu'on a écouté en début d'émission. On verra bien Rétine. Et en février 2021, Sia a enflammé le monde entier avec son nouveau single One and One, 1 plus 1, une chanson également très appréciée par le chanteur Amir, dont on parle, fan de l'artiste australienne. C'est pour ça que j'en parle. Un mois plus tard, ce dernier interprète le titre Unstoppable de Sia sur le plateau dont on est en direct. Enthousiasmée par sa prestation, la chanteuse internationalement connue a proposé à Amir une belle collaboration, remixer ce single One and One, en y ajoutant la voix de l'artiste français. Un résultat sorti durant l'été qui a beaucoup plu aux fans de l'ex-finaliste de The Voice. Get a girl, get a boy, one plus one, take a mic down to the shore. One plus one, give you all and give some more. One plus one, let the music free your soul. Yeah, bunks and rungs. Swing with me through the light. Home if it's just one night. Home if it's just one night. Oh, we live for the beat. Baby, you're all I need. Baby, you're all I need. Oh. Tous les sons qui vont éclore. One plus one. De nos amis. Sans effort, pourrait nous mettre. plus fort. One plus one, et si nos yeux brillent encore. One plus one, je crois bien que je veux t'avoir. One plus one, je suis sûr que je veux t'avoir. One plus one, toutes les coordonnées de mon cœur sont données, de l'amour sont données. La nuit va s'en aller, me laisse pas m'en aller, me laisse pas m'en aller. Alors, à noter que ce dernier album d'Amir a fait l'objet de 3 éditions successives, dont la dernière qui s'écrit « Ressources » avec un 3 à la place d'un E, le premier E. Sont nés 8 titres issus de son répertoire, retravaillés avec Dudu Tatsa, artiste israélien, avec une grande liberté pour créer de nouvelles enveloppes musicales. À voir donc, à écouter sur son dernier album, 3e réédition. Amir est un artiste complet et on peut dire qu'il sait trouver son public là où il n'est pas attendu parfois. C'est dans ce cadre que l'artiste a incarné le rôle du nageur Alfred Nakash. La pièce nommée Sélectionné, où Amir Haddad se produit seul, est un exploit de comédien et une véritable ode à la vie. Le nageur Alfred Nakash, maintes fois médaillé, a été nommé le nageur d'Auschwitz, où il fut déporté et d'où il revint pour redevenir champion. C'était à partir du 26 avril 2022 au théâtre Édouard VII à Paris. Côté tournée, eh bien, la dernière date était le 21 décembre dernier. Un beau cadeau pour Amir, puisqu'un ticket d'or lui était remis pour la tournée Retour, c'était le nom, soit l'équivalent de plus de 100 000 spectateurs à travers l'Hexagone. Amir a remercié toute son équipe au passage et surtout le valeureux public extraordinaire qui donne des ailes, a-t-il dit. Côté vie privée, le 7 juillet 2014, il se marie en Israël avec Lital, sa compagne depuis quelques années, et de cette union naissent un premier garçon en février 2019, Michael. Le chanteur aux innombrables fans en France et à l'étranger a annoncé le 4 juillet dernier la naissance d'un second petit garçon nommé Or, ça veut dire lumière en hébreu. Il a remercié sa majestueuse et courageuse femme pour cet accouchement où le bébé et la maman vont bien. On le retrouve tout de suite avec son public ce soir. Ça va par ici? Et là? Et une proposition à vous faire. Viens, on perd la tête ce soir. Ça vaut la peine juste pour voir qu'on donne à la vie des pourboires. Qu'elle nous serve un peu d'espoir. Viens, on perd la tête ce soir. On la garde pas sur les épaules, mais dans les étoiles quelque part. Avec vue sur une vie plus drôle. On pourrait donner corps à la mélancolie. On pourrait donner raison à nos douces folies. Ta peau et ma peau, c'est déjà l'harmonie. J'aime autant ton âme que ton anatomie. Viens, on perd la tête ce soir. Soleil dans nos yeux, parce qu'hier est déjà trop vieux, parce que demain est illusoire. Viens, on perd la tête ce soir. Ce soir on vit la vie au mieux, parce qu'hier est déjà trop vieux, parce que demain est illusoire. De valoir. Viens, Allez, juste quelques secondes pour vous saluer, également pour vous donner rendez-vous la semaine prochaine, premier jeudi du mois de février, pour notre classement des hits coup de cœur. J'espère que ce petit moment passé en compagnie d'Amir vous a bien plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la semaine à venir. À tout bientôt, salut !